J'arrive dans ta soirée en tête à queue. Fala gadi, tiens une tête à queue. Merci tu quittas, j'fais cracher la queue. De travers, ma taille, tu mates. Sous vodka ou sur NN. Encore un verre, j'suis plus là, là. Le game, j'le prends en le. J'fais danser tonton et tata. Quand j'sors un album, ça me lèche. Après, ça me lâche, faut ça m'allège. J'vis leur vie, j'te dis pas le manège. Dans Marrakech, j'vis font calèche. Tu vois que t'as ça, tu vois que t'as son, tu vas danser le bokeh dance. Je fais des cassages, ils ont tous fermé le classeur pour le classage. Golf, VR6, pneu que Chris. Ça fait des poursuites et ça finit sur les disques. Et disque, tu veux, je suis disque d'or, de platine, de diamant. Et disque, je dors. Mais là, en crabe, ouais, l'instru est sale. À deux jours, j'remplis ta salle. Regarde comme j'ai la dalle. La chatte mi cantare, con la guitare in mano. Marseille, ma ville natale. Sono in Corsico, comme Chico de Mexico. Crapulerie sur un T-Max, pas de concurrent, les écrase. On fume la pote à tu riff pendant que tes poumons s'encrassent. Crapulerie sur un T-Max, pas de concurrent, les écrase. On fume la pote à tu riff pendant que tes poumons s'encrassent. Bavette, bavette, mets la en crabe. Bavette, bavette, mets la en crabe. Bavette, bavette, mets la en crabe. Bavette, bavette, mets la en crabe. Ça veut niquer ta zargue, en zone vers ma zargue. Chez moi Pablo traîne au bar avec tous ses sicarios. J'suis seul, j'vous râle la frappe du Maroc. Elle me piste, me colle. J'suis pas d'humeur, j'lui dis qu'elle arrête. Trop de tension, j'dis au poteau de faire attention. Ta mise c'est comment tu fonctionnes. Quand t'es bien elle te ponctionne. T'es fou, t'es là, j'pense qu'au buzz. Tu testes, j'te dis tout, dis-moi. C'est que tout ça, moi, je déteste. Les gens sont en mode système D. Partent en repérage derrière les vitentés. Pour l'argent, ils vont guinter. Quitte à rentrer chez toi et t'as skinté. J'fume des gros pets, à m'en faire des mots tête, tête, tête. J'fume des gros pets, à m'en faire des mots tête, tête, tête. Crapulerie sur un T-Max, pas de concurrent, les écrase. On fume la pâte à tu riff pendant que tes poumons s'encrassent. Crapulerie sur un T-Max, pas de concurrent, les écrase. On fume la pâte à tu riff pendant que tes poumons s'encrassent. Bavette, bavette, mets la en crabe. Bavette, bavette, mets la en crabe. Bavette, bavette, mets la en crabe. Bavette, bavette, mets la en crabe. Mets la en crabe. Mets la en crabe. Mets la en crabe. Mets la en crabe.